Être jaloux, c'est la vie d'un ami, un ami. Et puis, être la cible à qui l'on se confie, comme à un prêtre, on se confie tous ses secrets, le moindre ennui, comme se soulager le pot, te voilà si, comme un panier, tu te remplis, le poids te pèse, tu t'affaiblis, et puis un jour. Je t'ai croisé, toi beauté, alléchante. Je me souviens dans ce passé que de tes seins et de tes jambes, le monde alors était si beau qu'une larme de mes yeux était de trop. Mais hélas, j'aimerais te soulager. Mais je ne peux pas, mais je ne peux pas.